dans cette édition en direct et complètement originale de La Connexion. Nintendo s'excuse pour son manque de vigueur à l'E3. Un meurtre inspiré de Grand Theft Auto en Thaïlande. Microsoft confirme la théorie des 6 degrés de séparation. Et une semelle de souliers capable de détecter les problèmes d'équilibre. Tout ça et plus tout de suite, sortez la limonade, c'est l'heure du jeu! Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante, avec vous pour deux heures aujourd'hui, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. On est en direct le mardi, hein? C'est pas génial ça d'être ensemble. On était en rediffusion la semaine dernière, c'était quand même une très très bonne émission. Allez voir lunechance.com pour la réécouter si ça vous intéresse. Dans l'émission d'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de grosses affaires, deux semaines de nouvelles à résumer. On va parler dans quelques secondes de Sony, qui va apparemment faire de grosses annonces à la Games Convention de Leipzig. On va aussi parler de Microsoft qui va rembourser ceux qui ont payé pour Windows Live, Games for Windows Live, qui est maintenant gratuit. Donc on parle de ça dans quelques minutes, mais avant voici une pièce dont on a créé un monstre, c'est Dorval dans La Connexion au 89.1 FM. C'est fou ça! Écart que l'on discerne est plutôt dérangeant. L'aéroport répondait de gens embarrassés. Comme un timbre qui s'apprête à être transporté. Toi, tu t'accroches au bout de mes lèvres. Et si je savais dire les bons mots au bon moment? Bye. La formation On a créé un monstre avec la pièce d'Orval, ici à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Justement, on parle de jeux vidéo dans le premier bloc. On commence avec Sony. Le président de la branche européenne de Sony Computer Entertainment, David Reeves, est sans doute conscient du fait que beaucoup de joueurs sont restés sur leur faim après une conférence E3 en demi-teinte. Du coup, l'homme prend les devants et nous annonce qu'il faudra s'attendre à des révélations énormes à l'occasion de la Games Convention de Leipzig, qui se tiendra du 20 au 22 août prochain. Il ajoute également que la stratégie de communication de Sony implique une répartition équitable des annonces de ce type entre les trois événements majeurs de l'industrie, le 3, le Tokyo Game Show et la Games Convention. Du coup, on se demande tout de même avec curiosité ce que la firme japonaise dissimule encore après God of War 3, MAG et DC Online. Quoi qu'il en soit, la team ICO de Shadow of the Colossus, est jusqu'à maintenant restée étonnamment silencieuse quant à d'éventuels projets sur PS3. Peut-être un Shadow of the Colossus 2, demande l'article de jeuxvideo.com. Bref, il ne reste plus qu'à attendre la fameuse Games Convention que nous couvrirons évidemment avec délice et dévotion. Voilà, évidemment, on vous tiendra au courant ici à La Connexion aussi. Au cours du Game Fest 2008, Microsoft a annoncé que les options du service Games for Windows Live sont désormais gratuites. À noter que ces options sont gratuites pour les jeux bénéficiant de ce service et qu'elles le seront pour tous les jeux Games for Windows Live qui paraîtront dans le futur. Les options du service de Microsoft désormais gratuites comprennent notamment la mise en place de parties en ligne, l'accès à des succès en multijoueur, la possibilité de parler avec d'autres joueurs, et même la possibilité de jouer avec des joueurs sur Xbox 360. Pour avoir accès à ces options, il vous faut posséder un compte Xbox Live Gold jusqu'à aujourd'hui. Cela fait contraste avec la Xbox 360 où pour jouer en ligne, il faut posséder un compte Xbox Live Gold et donc payer. Par ailleurs, Microsoft lancera cet automne un service de distribution en ligne pour les jeux de la catégorie Games for Windows qui sera semblable au Marketplace de la Xbox 360. Vous y retrouverez ainsi des démos, des vidéos et des bonus à télécharger. De plus, l'interface de ce service bénéficiera de quelques ajustements par rapport au Marketplace de la Xbox 360 afin de permettre aux développeurs de rendre compatibles leurs jeux plus facilement avec le service Games for Windows s'ils le désirent. L'article via The Hard Gamers via OneUp.com. Ce que je trouve bizarre avec Microsoft, c'est leur nom de service. C'est tellement confus, je trouve. Enfin bon. Justement, après avoir annoncé plus tôt cette semaine que les options du service Games for Windows Live étaient désormais gratuites, Microsoft a déclaré qu'elle remboursera ceux qui s'étaient procuré un abonnement payant à ce service. Microsoft remboursera ainsi ceux qui ont payé pour un abonnement Gold à Games for Windows Live, ce dernier étant désormais gratuit, ne donnant donc plus d'avantages à ceux qui payaient pour y avoir droit. La compagnie a déjà mis en place un plan pour communiquer avec les propriétaires de services payants Games for Windows Live Gold et le département des communications de la firme entrera en contact avec ces personnes sous peu. Auparavant, Microsoft chargeait $50 pour un abonnement d'un an à Games for Windows Live, $20 pour 3 mois et $8 pour 1 mois. Cet abonnement payant donnait droit à plusieurs options multijoueurs dans des jeux PC tels que Halo 2 et Shadowrun, notamment la possibilité de jouer en ligne et contre des joueurs sur console. L'article vient de Ars Technica. Microsoft a confirmé au site Shack News que certains jeux de la Xbox 360 peuvent maintenant se jouer tout à fait gratuitement en ligne sur Xbox Live. Et ce, peu importe votre abonnement. Donc, que vous soyez membre Silver ou Gold, vous pourrez désormais jouer en ligne aux jeux Universe at War, Shadowrun et Lost Planet Colonies Edition tout à fait gratuitement. On ne sait pas encore pourquoi Microsoft a décidé de rendre Xbox Live gratuit pour certains jeux. Néanmoins, la décision controversée prise par la firme afin de rendre le service Games for Windows Live gratuit pourrait être derrière tout cela. Microsoft a nuancé la nouvelle en affirmant que le service Xbox Live sera gratuit pour certains jeux supportant le jeu en ligne entre plateformes, à savoir Universe at War, Shadowrun et Lost Planet Colonies Edition. Cette offre ne sera toutefois que de courte durée puisque dès le lancement de la mise à jour majeure de la Xbox 360 cet automne, tous les jeux seront de nouveau payants en ligne sur Xbox 360, donc la nouvelle n'est pas super bonne. Et dernière nouvelle par rapport à Microsoft, le prix des différents modèles de la Xbox devrait diminuer dès le mois de septembre. C'est l'information que vient de publier le site Ars Technica, citant une source bien informée. Il s'agit, semble-t-il, de la même source qui avait indiqué que le modèle 20 Go serait remplacé par un modèle plus puissant de 60 Go. Selon les informations publiées, les prix ressembleraient à ceci. $200 pour la version arcade sans disque dur, $300 pour la version pro de 60 Go et $400 pour la version élite de 120 Go. Si les chiffres sont exacts, il s'agirait d'une des baisses considérables. Il s'agirait donc d'une baisse appréciable pour certains modèles et de la deuxième diminution de prix en quelques semaines. Depuis le début de l'été, la Wii dépasse la Xbox à titre de console la plus vendue en Amérique. De plus, au cours des derniers mois, la Xbox s'est parfois classée en quatrième position en termes de vente derrière la Wii, la DS et la PS3. Selon les observateurs, il serait surprenant d'assister à une baisse de prix comparable chez les compétiteurs de Microsoft. La compagnie Nintendo, qui connaît un succès incroyable avec la Wii, écrase littéralement... Oui, d'accord. Ses adversaires avec un prix de 250$. Je crois que c'est du figuré. Pour un produit dont la demande dépasse l'offre. Pour sa part, Sony, qui offre la PlayStation 3 à un prix de 400 ou 500$ dépendant de la mémoire, a déjà fait savoir que la priorité cette année est la profitabilité du produit et non le nombre d'unités vendues. En somme, Microsoft pourrait se retrouver avec un modèle de console dont le prix est inférieur à 200$. Selon certains, cela constitue certainement un pas dans la bonne direction pour faire mousser les ventes. Reste à voir si ces rumeurs sont exactes et si les autres fabricants vont réagir. La nouvelle vient de Canoë. Maintenant, parlons de Nintendo. Le président de Nintendo of America et le président de Nintendo se sont montrés plutôt bavards une semaine après leur présentation à l'E3. Au cours d'entrevues données à divers médias, ils ont abordé plusieurs points sensibles, notamment les jeux présentés à l'E3, la pénurie perpétuelle de Wii, l'espace de stockage limité et plus encore. C'est Satoru Iwata, le président de Nintendo, qui a ouvert le bal en donnant une entrevue au magazine financier Forbes, au cours de laquelle il a dit, et je cite, « Si certains croient que Nintendo est en train d'ignorer ses joueurs les plus assidus, il s'agit d'un malentendu. Et nous souhaitons plus que tout chasser ce malaise. » Nous nous excusons pour notre conférence au E3, plus particulièrement auprès de ceux qui s'attendaient à ce que Nintendo dévoile des titres tels que Super Mario ou Zelda. Vous savez, ces gros titres nécessitent un temps de développement très long. Nous ne pensions pas que cet E3 était le bon moment pour en discuter. » Fin de la citation. Monsieur Iwata reconnaît donc que leur conférence présentée à l'E3 a été plutôt ordinaire. C'est ce que les fans disent sur les blogs, sur l'Internet, que la conférence de la compagnie de Mario était pas très, très centrée sur les gamers, mais plutôt sur les casual gamers, les gens qui jouent pas tellement aux jeux vidéo. Il a aussi abordé d'autres points dans une entrevue donnée au site Game Daily. Dans celle-ci, il confirme que malgré le fait que Nintendo est en voie d'atteindre ses objectifs de production pour la Wii, à savoir 2,4 millions d'unités par mois, il est encore possible qu'une pénurie soit à prévoir pour la prochaine période des fêtes. Donc, si vous voulez acheter une Wii pour Noël, il faut prévoir le faire dès maintenant. À propos de l'accessoire Wii Motion Plus, qui dotera la télécommande Wii d'un gyroscope qui permettra de mieux capter les mouvements complexes, il a révélé que celui-ci n'affectera que très peu la consommation des batteries, donc c'est une bonne nouvelle. Il a aussi exprimé son souhait de revoir le système de code d'amis présent dans tous les jeux en ligne Wii et DS. En effet, il est d'avis que le système actuel n'est pas parfait, mais qu'il permet d'éviter que les enfants soient harcelés par d'autres. Si un nouveau système en ligne voit le jour, il sera aussi sécuritaire, dit-il. Enfin, Reggie Fils-Aimé, le président de Nintendo of America, a abordé le point du stockage sur la Wii dans une entrevue donnée au blog MTV Multiplayer. Il a admis que la capacité de stockage de la Wii, qui n'est pas équipée d'un disque dur, devient de plus en plus un problème préoccupant. En effet, le succès de la Virtual Console et de WiiWare pose un problème croissant aux utilisateurs de ces deux services de téléchargement. La Wii étant munie d'uniquement 512 MB de stockage, il n'est présentement possible que de l'augmenter via des cartes mémoire SD, des Secure Digital. D'ailleurs, une carte de 4 gigs se détaille environ 20$. Nintendo est donc à réfléchir à une solution. À 20$, c'est ce que dit l'article de Jouer.com, 20$ pour 4 gigs SD. Ah ouais, permets-moi d'en douter un peu. Dans un entretien accordé à Wall Street Journal, le président de Nintendo, Satoru Iwata, annonce que l'équipe hardware du géant japonais planche sur la machine qui succédera à la Wii. Bon, évidemment, il ne donne aucun détail sur la dite console, mais vous savez désormais que Nintendo prépare quelque chose. Non, mais sans blague, là est toute la question. Ils avaient déjà pris tout le monde de court avec la Wii et sa Wiimote, et on sait qu'elle fait désormais un carton monumental au niveau des ventes. Que vont-ils pouvoir inventer pour rester leader, demande jeuxvideo.com. Des jeux qui se contrôlent par la pensée, peut-être, ce serait dans la droite lignée de leur stratégie de rendre le jeu vidéo accessible. On sait que de nombreuses entreprises mènent des recherches dans ce secteur et sortent des produits d'ailleurs avec plus ou moins de bonheur, comme Emotive par exemple. Et si Nintendo se lançait dans la bataille et sortait une console sans manette? C'est la théorie qu'avance jeuxvideo.com. Rien d'officiel pour le moment, évidemment. Mais on va se tenir au courant de ça. Par contre, c'est normal pour une compagnie de travailler sur sa prochaine console alors que l'autre vient de sortir il y a quelques années à peine. C'est comme ça dans le domaine, hein? Bon. Les éditeurs japonais déclarent la guerre au piratage sur DS, dit GameCult.com. Au total, ce sont plus d'une cinquantaine d'éditeurs et leurs filiales qui ont déposé une plainte auprès de la cour de Tokyo afin d'empêcher la prolifération des cartouches à mini-cartes SD, dont la fameuse, et certains d'entre vous allez vous reconnaître là-dedans, la fameuse R4, Revolution 4DS. Les éditeurs représentés, tous les principaux acteurs du marché, souhaitent empêcher les ventes et l'importation des accessoires permettant le téléchargement de jeux DS, coupables selon eux de banaliser le piratage, entraînant des préjudices sur le plan financier. La liste des plaignants en japonais peut être trouvée dans l'article sur lunechance.com. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une R4? C'est une carte qui vous permet de télécharger soit des applications faites par des gens comme vous et moi, des applications pour faire de la musique, jouer à des jeux complètement légaux, mais aussi, ça peut servir à télécharger des jeux illégaux, donc des ROM, des images d'un jeu que vous téléchargez sur Internet, et puis, boop, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu de DS sur votre R4. Et là, je ne vous dis pas de le faire, évidemment, mais c'est quand même un produit assez intéressant. Et voilà donc pour les nouvelles de Nintendo et de Mario. Les 15, 16 et 17 août prochains, 6 amateurs de Guitar Hero passeront tous les jeux de la série à tous les niveaux de difficulté sur une période de 48 heures afin d'amasser des dons pour la fondation Child's Play, une organisation qui achète des jeux pour les enfants malades dans les hôpitaux. Marc-André Bilodeau, Samuel Godard, Alexander McKee, Charles Gariepi, Simon Rousseau et Patrick Desjardins, Charles Chuck Gariepi, sont 6 adeptes de Guitar Hero âgés de 16 ans. Dès vendredi le 15 août à 15 heures, ils commenceront à jouer non-stop à Guitar Hero 1, 2, 3 ainsi qu'aux expansions Rock the 80s et Aerosmith, de même que Rock Band, qui ne fait pas partie de la série, mais quand même. Donc, le tout devrait se terminer au cours de la journée de dimanche. Ils aimeraient atteindre leur objectif fixé à 15 000 $. Ils ont besoin de votre aide, dit Jouet.com. À travers l'organisme Child's Play, créé par les excellents garçons de PennyArcade.com, des passionnés de jeux et d'informatique de toute provenance ont su donner presque 2 millions de dollars en jouets, en jeux et en argent pour les enfants soignés dans les hôpitaux pour enfants à travers la planète au cours des 5 dernières années. L'hôpital de Montréal pour enfants est un des hôpitaux qui bénéficient de la générosité de l'organisme. Durant le marathon, vous allez pouvoir les voir sur leur webcam et clavarder avec eux en direct. Allez voir sur le site ustream.tv, /channel/guitar-hero-marathon-08. L'adresse est compliquée, mais vous pouvez aller voir directement sur lunechance.com pour trouver l'article. Et leur blog est au guitarheromarathon.com, guitarheromarathon.com. Très bonne cause. Allez les aider au plus vite. Paramount Digital Entertainment, formé il y a 4 mois, a confié le mandat à Legacy Interactive de créer des jeux vidéo inspirés des films Clueless, ou Les collégiens de Beverly Hills, Mean Girls et Pretty in Pink, trois films qui ont été appréciés par un auditoire féminin. Compte en commun Alicia Silverstone, Lindsay Lohan et Molly Ringwald, ben ce sont des starlettes qui ont fasciné bon nombre de jeunes filles en étant la vedette de films de filles, dit Jouet.com. Et ben cet automne, elles seront la vedette de jeux vidéo sur PC et ou DS développés par Legacy Interactive, qui a l'habitude d'adapter des séries télé en jeux vidéo, notamment La Loi et l'Ordre, Salle d'urgence et The Apprentice. Dans Les collégiens de Beverly Hills, le jeu, ou Clueless de game. Les joueurs pourront incarner Cher alors qu'elle cherchera à dénicher des copains pour ses amis. Les joueurs devront donc déterminer quel type de garçon pourrait plaire aux amis de Cher en analysant notamment les tenues vestimentaires des garçons. Très, très pas du tout superficiel. Une fois que Cher aura bien identifié les goûts de ses amis, il lui suffira de choisir et d'acheter les éléments qui feront des garçons des candidats irrésistibles. Dans Mean Girls High School Showdown, les joueurs ou joueuses incarneront un étudiant qui aura pour objectif de rétablir l'équilibre entre les différentes cliques présentes dans son école secondaire et mettre fin au terrible règne de la clique plastique composée des plus belles et méchantes filles de l'école, peut-être les filles de Clueless. Pour y arriver, le joueur devra user de stratégie en faisant circuler des rumeurs au moment approprié, par exemple. Et finalement, dans Pretty in Pink, inspiré du classique des années 80, les joueurs auront la chance de revivre cette histoire à travers une variété de challenges et de casse-tête visuels. C'est drôle qu'ils utilisent challenge, mais casse-tête en tout cas. Sur fond d'histoire d'amour, d'amitié et de conflits sociaux, les joueurs auront entre leurs mains les destins de Andy, Ducky, Blaine, ainsi que ceux d'autres personnages du film, notamment ceux jouant du mauvais côté. Le jeu vidéo Grand Theft Auto, nouvelle un petit peu plus sombre, vient d'être retiré des tablettes des magasins en Thaïlande après le meurtre d'un chauffeur de taxi de 54 ans en fin de semaine dernière. Le présumé criminel âgé de 18 ans aurait confessé son crime en expliquant qu'il avait voulu recréer l'une des scènes du jeu Grand Theft Auto. Selon une dépêche de l'agence Reuters, la compagnie New Era Interactive Media, responsable de la distribution du jeu en Thaïlande, vient d'aviser tous les magasins leur ordonnant de retirer le jeu des tablettes. Le même message a été envoyé aux propriétaires d'arcade, les enjoignant de débrancher les machines qui offrent le jeu. L'enquêteur au dossier, Viravit Piparatarazak, a indiqué que le suspect était un adepte de Grand Theft Auto, qu'il avait commis son crime à cause du jeu et qu'il ne semblait souffrir d'aucun désordre mental. Et je cite, « Le jeune nous a expliqué qu'il voulait vérifier s'il était aussi facile de voler un chauffeur de taxi dans la vraie vie que dans le jeu. » Apparemment, le jeune n'avait pas l'intention de tuer la victime, mais il a sorti son couteau lorsque le chauffeur a tenté de résister au vol. Ce crime vient de relancer le débat sur la violence dans les jeux vidéo, un peu comme à chaque mois. L'un des responsables du ministère thaïlandais de la culture a indiqué qu'il s'agissait d'un signal clair aux parents et au gouvernement, et je cite « Ce dossier est une espèce de bombe à retardement. Nous devons agir vite, sinon ce sera encore pire. Aujourd'hui, la victime est un chauffeur de taxi, demain ce sera peut-être le propriétaire d'un magasin de jeux vidéo. » Oui, bien sûr. Depuis plusieurs années, les responsables réclament des règlements plus sévères pour les jeux vidéo violents, notamment un système de classification des jeux selon les âges et le contenu. De plus, certains exigent que les arcades soient interdites aux jeunes tard le soir. Si le jeune est reconnu coupable, il est passible de la peine de mort. Grand Theft Auto permet à un joueur de se placer dans la peau d'un... Est-ce qu'on a vraiment besoin de ce paragraphe-là, par contre? De se placer dans la peau d'un personnage à la morale douteuse qui se promène dans une ville et qui peut commettre tous les crimes inimaginables. Bravo Canoë.com de juste renforcer la chose en disant des choses comme ça. Il y a 3 ans, en Alabama, aux États-Unis, un adolescent considéré comme un adepte du jeu a abattu 2 policiers et un répartiteur du service 911. Oui, c'est la faute des jeux vidéo, clairement, mais oui, c'est sûr. Sérieusement, les jeux vidéo, les films, attaquez-vous à la musique, ou faites comme dans le bon vieux temps, attaquez-vous à tout ce que les jeunes font, parce que c'est ça qui cause les jeux vidéo aussi. Sérieusement, en tout cas, vous avez le droit de passer ça, si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est vraiment absolument absurde. Changeons de sujet complètement pour parler un petit peu de l'E3. L'E3 2008 a essuyé de nombreuses critiques, non seulement de la part des amateurs de jeux vidéo, mais aussi des compagnies. Or, malgré cette vague de mauvais commentaires, l'Entertainment Software Association a annoncé qu'il y aura bel et bien une autre édition de l'E3 l'an prochain, l'E3 2009. L'ISA récolte présentement des informations quant aux exposants et aux journalistes qui seront présents lors de l'E3 2009. Lorsque ça sera fait, la firme va soumettre ses données à son conseil d'administration, puis une annonce concernant les spécificités de l'édition 2009 de l'E3 seront rendues publiques. Reste à voir si l'E3 perdra encore plus de compagnies l'an prochain, parce que l'événement a déjà perdu énormément d'influence au cours des dernières années, avec une nouvelle formule que plusieurs jugent mauvaise et le retrait de plusieurs compagnies de l'ESA, dont LucasArts et Activision. Electronic Arts a d'ailleurs mentionné qu'elle a détesté l'édition 2008 de l'E3 et que si l'événement ne revient pas à son ancienne formule, elle organisera ses propres événements et démonstrations, à l'instar de plusieurs compagnies qui font la même chose. Donc, la nouvelle vient de GameSpot via rgamers.com. Au moins, on sait que l'E3 sera là l'année prochaine, mais dans quelle forme, avec quels exposants? Microsoft a annoncé que plusieurs courts-métrages réalisés par des vétérans de l'industrie du cinéma seront lancés cet automne sur le Xbox Live Marketplace de la Xbox 360. Parmi les réalisateurs qui collaboreront à ce projet, notons James Wan et Lee Whannell, créateurs de la série Saw, James Gunn, scénariste du remake Dawn of the Dead, et Marcus Nispel, réalisateur du remake Friday the 13th. Au total, ce seront 7 courts-métrages qui seront disponibles durant les derniers mois d'année sur Xbox Live Marketplace. Ces films seront des comédies, bien que tous auront une dimension horreur. Donc, si vous voulez voir les descriptions, allez voir le unechance.com. L'article s'appelle « Des réalisateurs de films d'horreur sur des courts-métrages exclusifs à la Xbox 360 ». Donc, entre autres, il y a Dougie Evan, Woof, The Miracle of Phil, Human Z, Meat Dog, What's for Dinner, Blue Like You, Adrenaline Slam et Assorted Nightmares de Janitor. Fait intéressant, Microsoft a déclaré que ces films seront gratuits pour tous les membres Xbox Live à travers le monde, ce qui sous-entend que vous n'aurez pas à débourser des points Microsoft ou encore d'avoir un abonnement à Xbox Live Gold pour les écouter. Le mois dernier, Blizzard annonçait l'arrivée des succès dans World of Warcraft, une fonctionnalité similaire aux Achievements sur Xbox 360, mais le studio ne va pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien étendre le système à ses autres jeux. C'est ainsi que Jeffrey Kaplan, lead designer de World of Warcraft, a déclaré que Diablo 3 et StarCraft 2 pourraient également contenir leur lot de succès à débloquer. Tout cela viendrait grossir un Blizzard level, là encore inspiré du Gamerscore de la 360. Tout cela fera grand plaisir aux joueurs qui aiment montrer aux autres qu'ils en ont une grosse... Somme de points, évidemment, dit l'article de jeuxvideo.com. Parlons de films maintenant. Disney a décidé de reporter la sortie du premier film prévu de la trilogie Prince of Persia, inspiré du jeu vidéo du même nom, au 28 mai 2010, le but étant évidemment d'éviter un affrontement avec le prochain film de Michael Bay, Transformers Rise of the Fallen, qui doit prendre l'affiche le 19 juin 2009, soit une semaine après la date initiale du film, qui est un an plus tôt. Mettant en vedette Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton et Ben Kingsley, la version cinématographique des aventures du prince du Persie sera inspirée de Prince of Persia Sand of Time. Le scénario sera signé par le créateur du jeu, Jordan Mechner, et la direction assumée par Mike Newell. Donc, l'article vient de Cinoche via Art Gamers. Et Johnny Cartz a annoncé qu'elle a conclu une entente avec l'agence United Talent Agency afin de transporter plusieurs de ses franchises vers le monde de la télé et celui du cinéma. Bien qu'aucune série n'ait été annoncée par EA dans cette entente, la firme a déclaré qu'elle met beaucoup d'efforts afin d'amener des séries telles que Army of Two, Mirror's Edge, Need for Speed et Dead Space vers la télé et ou le cinéma. Donc, vous pouvez vous attendre à voir ces dernières dans une salle près de chez vous ou encore dans un téléviseur au cours des prochaines années. EA travaille déjà sur plusieurs projets pour le cinéma et la télé. Parmi ceux-ci, on peut noter un film basé sur The Sims. Vrai. Une série animée tirée de My Sims et un film d'animation qui prendra place avant les événements du jeu Dead Space et qui sera évidemment lancé directement sur DVD parce que ça ne marchera jamais au cinéma. L'article venait de Hard Gamers en passant. En comics maintenant, parlons de quelques nouvelles de bandes dessinées. Vous saviez peut-être pas que DC Comics s'intéressait de près à l'univers des jeux vidéo. Et bien pourtant, le plus grand éditeur de comics semble ces temps-ci sur tous les fronts. En collaborant simultanément à un jeu de baston avec Mortal Kombat vs DC Universe et à un MMO avec DC Universe Online. Le rapprochement entre la bande dessinée et les jeux vidéo ne s'arrête pas là car DC et Capcom viennent d'officialiser un accord afin que le premier puisse adapter en comics les jeux du second. Pour être plus précis, donc, c'est Wildstorm, la filiale de DC dirigée par Jim Lee, qui se chargera de transposer les univers de Resident Evil et de Devil May Cry dans des petites cases. On ne sait pas encore grand chose sur ces deux adaptations distinctes, mais il y a fort à parier qu'ils tourneront autour du très attendu Resident Evil 5 pour l'une et des bribes de scénario de Devil May Cry 4 pour l'autre. Ces mondes nous promettant deux belles séries en perspective, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'elles soient un jour traduites, dit jeuxvideo.com. Et finalement, le jeu de free running à la première personne de DICE, Mirror's Edge, ne sera pas le seul à raconter l'histoire de Faith, puisque Electronic Arts vient d'officialiser la sortie d'une bande dessinée reprenant l'univers de Mirror's Edge. Réalisée en partenariat avec DC Comics, cette bande dessinée en 6 parties s'intéressera aux événements antérieurs au jeu et est écrite par la même scénariste, Rihanna Pratchett, la fille du célèbre écrivain de fantasy, tandis que la partie graphique est confiée à Matthew Dow Smith. Il s'agira d'une publication à tirage limité, dont le premier volet est d'ores et déjà disponible au Comic-Con, qui était disponible au Comic-Con la semaine dernière à San Diego, en Californie. Donc, Mirror's Edge, un des jeux qui m'intéresse le plus de l'E3. Je trouve ça génial comme principe. Si vous n'avez pas encore découvert Mirror's Edge, allez voir les bandes-annonces. Et même, laissez faire les bandes-annonces, mais allez voir surtout les extraits de jeux, entre autres sur GameSpot.com ou sur G4TV.com. D'ailleurs, si vous voulez voir des photos de la bande dessinée de Mirror's Edge, allez voir l'article que j'ai posté sur lunchance.com. Ça s'appelle Mirror's Edge en comics, premières images, tout est là. Voilà pour une grosse demi-heure de jeux vidéo. J'espère que vous avez aimé passer à travers les nouvelles des deux dernières semaines. Voici le top des jeux vidéo, oui, les plus loués dans les super clubs Vidéotron la semaine dernière. En cinquième, on retrouve Grand Theft Auto 4 sur la 360. En quatrième, c'est Unreal Tournament 3 sur la 360. En troisième, Soul Calibur 4 sur la PS3. En deuxième, Mario Kart Wii sur la Wii. Et en première place, c'est Soul Calibur 4 sur la Xbox 360. Voici Woodlands et Dancer à la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo. 89 fois. We'll be right back. retour, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va surtout parler d'informatique, mais on va commencer par le blog bientôt sur vos écrans dans quelques minutes. Mais avant ça, en musique, voici les Dale Hour Shock et à soir, on sort dans votre radio campus à Trois-Rivières. C'est fou 89.1 FM. Je suis la mèche, toi le pétard, come on baby. Et on sort à soir. Même si mon corps me dit d'arrêter, ça me tente pas quand je t'aime avec toi. À grand coup de je t'aime, je t'emmène. On sort à soir à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ah, c'est fou, 89.1 FM. Maintenant, ben, pour ceux qui connaissent pas trop l'émission, là, voici une musique qui va vous dire peut-être quelque chose. Là. Si vous connaissez pas ça, peut-être pas, par exemple. J'y pense. Et bientôt sur vos écrans. Ça n'a aucun sens. On n'était pas là la semaine dernière, donc on va faire deux semaines de en magasin cette semaine pour commencer. Donc, les nouveautés qui sont en magasin right now. Sur les multiplateformes, on trouve Little League World Series 2008 sur la DS et la Wii. Il y a aussi Summer Athletics sur PS2, Wii et Xbox 360. Soul Calibur 4 sur PS3 et Xbox 360. Et MLB Power Pros 2008 sur PS2 et Nintendo Wii. On saute par-dessus les jeux PC pour aller aux jeux DS. Quick Yoga Training, The Cheetah Girls Passport to Stardom, Puzzler Collection, Grid, Rock Blast, Touch Darts et puis Air Traffic Chaos. Sur PlayStation 2, Anna Montana Spotlight World Tour, B-Boy, et c'est pas mal ça. Sur PlayStation 3, Monster Madness Grave Danger. Sur Nintendo Wii, Summer Athletics et King of Clubs. Il y a aussi SNK Arcade Classics Volume 1 et King of Clubs. Oh, King of Clubs qui sort deux semaines de suite sur la Wii, c'est beau. Sur Xbox 360, Crash Time, Autobahn Pursuit et Spectral Force 3. Voilà donc pour les nouveautés qui sont en magasin en ce moment même. Pour les nouveautés qui s'en viennent un petit peu plus tard cette année ou dans le futur plus ou moins rapproché, les jeux d'horreur ne sont pas légion sur Wii DR Gamers, mais avec le succès de vente de Resident Evil 4, cela a certainement stimulé certains développeurs, dont Deep Silver. Ces derniers nous annoncent les premiers détails de Cursed Mountain, un jeu de survival horror produit exclusivement pour la console Wii de Nintendo. Le jeu se situe vers la fin des années 80 et vous prendrez le contrôle d'un alpiniste parti dans les Himalayas avec pour but de retrouver son frère disparu. Au fur et à mesure de son ascension, l'alpiniste rencontrera des esprits de personnes mortes dans cette région et rester pris au piège dans les limbes, oui. Mis à part des villageois, montagnards et moines, il n'y a pas vraiment d'habitants dans la montagne. Différentes visions, esprits et fantômes et démons viendront désorienter notre personnage qui finira par se demander si son frère est toujours bel et bien en vie. Aucun détail n'a été émis quant au contrôle avec la télécommande Wii et la Nunchuck, si ce n'est que Deep Silver promet une utilisation complète du duo de manettes. Le jeu est prévu pour 2009. Tel que dévoilé un petit peu plus tôt la semaine dernière, Ubisoft a obtenu les droits de distribution nord-américains du 13e jeu de la série Armored Core Ce jeu qui se nommera Armored Core for Answer sera lancé sur Xbox 360 et PlayStation 3 en septembre prochain. Développé par From Software, Armored Core for Answer prendra place sur une planète au bord de la destruction. Cette situation catastrophique est la conséquence d'une population urbaine surdéveloppée et de la pollution en découlant. En incarnant un rebelle, vous aurez à choisir votre camp en vous rangeant soit du côté des rebelles de la Orca qui vivent dans les décombres de ce qui fut autrefois une belle cité ou bien la, des corporations de la Ligue qui désirent éradiquer toute forme de vie sur la planète. Voilà. Donc, c'est le jeu Armored Core for Answer qui sera lancé en septembre. Le producteur du jeu Spore, Thomas View, a annoncé à CNET que le jeu Spore est pratiquement terminé et qu'il devra passer le stade Gold d'ici une semaine. Rappelons que le jeu est prévu pour le 7 septembre, autant sur PC que sur Mac. Par ailleurs, le PDG d'Electronic Arts, John Riccicciolo, a manifesté son désir de voir Spore devenir une bannière, un peu comme l'est la série The Sims. EA devrait lancer plusieurs expansions pour le jeu, en plus d'ensembles qui pourront être achetés ou qui seront disponibles via des microtransactions. Néanmoins, avant de planifier quoi que ce soit pour Spore, EA veut avant tout lancer le jeu et s'assurer que ce dernier sera un succès. Donc la nouvelle vient de CNET.com via ArtGamers. Les fans de Mortal Kombat n'ayant pu se procurer les derniers opus de la série sur PlayStation 2, ben, vous pouvez vous réjouir. Allez-y, je vais vous attendre. Midway Games a annoncé qu'elle lancera une compilation des derniers jeux de la franchise Mortal Kombat sur la console de la génération précédente de Sony. Intitulée Mortal Kombat Collection avec un K, cette compilation réunira ainsi les jeux Mortal Kombat Deception, Armageddon et Shaolin Monks. Elle sera lancée en septembre prochain au coût de 30$. Il s'agira d'une bonne occasion de parfaire vos habiletés avant la sortie de Mortal Kombat vs DC Universe prévue pour cet automne sur Xbox et PlayStation. PopCap Games, bien connu pour avoir lancé de nombreux jeux de casse-tête à succès sur Internet tels que Bejeweled et Bookworm, ont annoncé qu'ils mettront sur le marché plusieurs jeux sur la console Nintendo DS. Parmi ces derniers, on note Amazing Adventures The Forgotten Ruins, Mystery PI Portrait of a Thief et le très populaire jeu Peggle. Rien n'a été dévoilé au sujet de Amazing Adventures, ni de PI. On sait un petit peu plus au sujet de la version DS de Peggle qui est présentement en développement chez Q Entertainment. Peggle pour DS offrira le même style, que celui de la version PC, c'est-à-dire que vous devrez éliminer des boules de couleur en plaçant des balles à des endroits stratégiques et les faire rebondir. Bien que semblable, j'avais l'air de George Bush avec son Subliminable. La version DS sera une expérience unique selon PopCap puisqu'elle comprendra plusieurs nouvelles options. Bien sûr, vous y retrouverez des contrôles adaptés à la console et exploitant son écran tactile. Donc, Amazing Adventures The Forgotten Ruins, Mystery PI Portrait of a Thief seront lancés d'ici la fin de novembre prochain, tandis que la version DS de Peggle est prévue pour l'hiver. L'article vient de IGN. Computer and Video Games rapporte que Wipeout HD, qui devait sortir au début de l'été sur PlayStation Network, a été retardé pour être complètement revu. Lors des tests pour épilepsie, le jeu a tout à fait échoué. Du coup, le jeu devra être développé à nouveau pour s'assurer de passer les 10 tests d'épilepsie. C'est pourquoi Wipeout HD n'a pas été présenté au E3 cette année et qu'il a été retardé. On ne sait pour le moment pas quand le jeu sera finalement lancé. Différentes nouvelles qui viennent du QuakeCon, différentes nouvelles donc sur le jeu Doom 4 qui ont fait leur apparition sur Internet. Non seulement Doom 4 sera-t-il doté de meilleurs modes multijoueurs que ceux de Doom 3 et qu'il reprendra des éléments du jeu Doom 2, mais Doom 4 ne sera peut-être pas nommé Doom 4 lors de sa parution. Selon John Carmack, la portion multijoueur de Doom 4 sera bien plus élaborée que celle de Doom 3. En fait, id Software devrait avoir assez de ressources afin de concevoir une portion multijoueur satisfaisante pour le prochain Doom. Toutefois, Carmack a tenu à stipuler que le multijoueur de Doom 4 ne sera pas du calibre d'un Quake Live, bien que ça devrait tout de même être plus mémorable que les modes multijoueurs de Doom 3. De plus, en entrevue avec le site Shack News, Carmack a déclaré que Doom 4 sera différent de Doom 3, en ce sens que Doom 4 se centrera davantage sur des éléments d'action que d'horreur, un peu comme pour Doom 2. En fait, Carmack a déclaré que ceux s'étant plaints des monstres sortant des placards et de la noirceur de Doom 3 avaient parfaitement raison et que cela a poussé id Software à annuler le développement du jeu Darkness pour débuter celui du jeu Rage. Une autre grosse nouvelle, Darkness, ça arrivera pas. Carmack désire ainsi revenir aux racines de la série Doom en vous permettant d'anéantir les forces de l'enfer avec tout l'arsenal mis à votre disposition. Enfin, le site Big Download a appris que Doom 4 ne se nommera probablement pas ainsi lorsqu'il sera lancé. Tim Willits, designer chez id Software, a déclaré que le studio prévoit lancer le jeu avec le nom Doom, mais avec plutôt un sous-titre plutôt qu'un simple chiffre à ses côtés. Bien que id n'ait pas pris de décision finale à ce sujet, il serait tout à fait correct de ne pas nommer Doom 4 par ce nom, puisque, comme l'a mentionné Willits, le jeu ne sera pas une suite directe à Doom 3, qui proposait une histoire plus étoffée que le scénario des deux premiers Doom. Voilà. Si ce n'est guère une surprise, compte tenu du mode de fonctionnement d'Activision, les gens de chez OneUp.com ont appris que l'éditeur plancherait déjà sur un sixième opus de la saga Call of Duty. Alors que Call of Duty World at War est encore en développement dans les locaux du studio Treyarch, ce nouvel opus pourrait donc être l'œuvre d'Infinity Ward, l'instigateur de la série. Faisant directement suite à la conférence organisée pour parler des résultats de l'éditeur, cette annonce a été faite par Bobby Kotick lui-même. Il a même été question d'une date de sortie. Relativement flou, celle-ci parle d'une distribution dans le courant de l'année prochaine, vraisemblablement à l'automne. Voilà, donc reste maintenant à confirmer le studio en charge du projet, ainsi que le contenu de ce nouvel opus. Peut-être plus d'informations durant la Games Convention à Leipzig. Si vous voulez d'ailleurs aller voir unechance.com, j'ai posté une vidéo id Software qui fait le point sur le jeu Rage et probablement l'annulation aussi de Darkness. Aussi le QuakeCon, bon, qui s'est tenu à Dallas au Texas la semaine dernière. Donc Wolfenstein a été montré en vidéo. Donc en vidéo, oui c'est ça, en vidéo, donc allez voir unechance.com pour le lien. Aussi il y a des photos de Wolfenstein. Au cours de son événement DK Sigma 3173 qui s'est récemment tenu dans la ville de Tokyo, la compagnie Square Enix y est allée d'une déclaration plutôt surprenante en affirmant que le développement de la version Xbox du jeu Final Fantasy XIII n'a même pas débuté. En effet, bien que la firme Nippon ait toujours affirmé qu'elle concevra d'abord la version PS3 du jeu puis qu'elle sortira, qu'elle portera ce dernier sur Xbox 360, Square Enix n'a pas reçu les kits de développement 360 nécessaires au développement du port, et ce en date du 29 juillet. Comme Square Enix compte lancer Final Fantasy XIII en même temps sur Xbox que sur PlayStation en Amérique du Nord et en Europe, il va falloir s'armer de patience avant de voir l'arrivée de ce jeu sur ces deux marchés. La nouvelle vient de GameSpot.com. Quand même beaucoup de grosses nouvelles en termes de jeux qui s'en viennent bientôt. Là. C'est par le biais d'un questionnaire adressé par Electronic Arts aux fans de Medal of Honor qu'on apprend les premières informations sur le prochain volet de la série. On sent que Call of Duty 4 Modern Warfare est passé par là puisque ce nouvel épisode déleste les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale pour le contexte plus contemporain de la guerre en Afghanistan. L'action se déroulera plus précisément en 2002 lors de l'opération Anaconda qui était destinée à déloger talibans et terroristes d'Al-Qaïda des montagnes au nord-est du pays. Mais rien ne s'est passé comme prévu et suite à un crash d'hélicoptère, une équipe est envoyée pour récupérer d'éventuels survivants. Le communiqué que vous voulez voir, que vous voulez lire est sur lunechance.com. Donc c'est des détails qu'on a, mais ça pourrait s'appeler Medal of Honor Operation Anaconda. Parce que c'est un petit peu plus pratique de l'appeler comme ça. Voilà, je pense que ça va pas mal faire le tour pour les nouveautés en magasin ou bientôt sur vos écrans. Voici le top des jeux et des consoles les plus vendus au Japon selon la société MediaCreate. C'est pour la semaine dernière. Les consoles en ordre, commençant par la sixième position, Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii, Nintendo DS et la console la plus vendue est la PSP. Alors que du côté des jeux pour la semaine du 21 au 27 juillet, en cinquième position, on trouve Forbidden Siren, Blood Curse. En quatrième, The Legend of Heroes 6, The Third. En troisième, Gundam Battle Universe sur PSP. En deuxième, c'est Powerful Pro Baseball 15 sur la PS2. Et le jeu le plus vendu est Dragon Quest The End of the Heavenly Bride sur Nintendo DS. C'était la connexion. Put me in a special school, 'cause I am such a fool, and I don't need a single book to teach me how to read. Who needs stupid books? They are for petty crooks, and I will learn by studying the lessons in my dreams. So turn off the TV, 'cause that's what others see, and movies are as bad as eating chocolate ice cream. They only sicken me, don't let me play football. I'll sack the quarterback and jack the brother. Punching been growing old and hoping there's a God. I'm a troublemaker, never been a faker, doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker, not a double taker, I don't have the patience to keep it on the up. I'm gonna be a star, and people will crane necks to get a glimpse of me and see if I am having sex. And studying my moves to try to understand why I am so unlike the singers in the other bands. I'm such a mystery, as anyone can see, there isn't anybody else exactly quite like me. And when it's party time, like 1999, I'll party by myself because I'm such a special guy. I'm a troublemaker, never been a faker, doing things my own way and never giving up. I'm a troublemaker, not a double taker, I don't have the patience to keep it on me up. Keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker, keep it on me up. I'm a troublemaker, never giving up. Weezer avec Troublemaker à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo 89.1 FM. Maintenant, voici le bloc F5, sciences et technologies. Une rumeur a été lancée en fin de semaine par le tabloïd britannique Daily Mail qui relance les suppositions autour du lancement d'une version mini du iPhone de Apple. Donc dimanche, le tabloïd britannique Daily Mail annonçait dans la section technologique de son site la sortie d'ici Noël d'une version nano du téléphone mobile d'Apple, déclinée dans les différentes teintes de la palette de couleurs actuelle des baladeurs numériques iPod. Citant une source de l'industrie, le Daily Mail affirme que l'iPhone Nano sera destiné au marché de la téléphonie à la carte et sera distribué en Angleterre par le fournisseur de services téléphoniques O2. Bien que la nouvelle ait été relayée par des sites d'actualité technologique comme Crave et Crunch Gear, personne n'ose prendre cette nouvelle au sérieux compte tenu du peu d'informations fournies par le Daily Mail et surtout à cause du contenu habituel offert par les éditeurs du tabloïd britannique qui répertorie le quotidien des stars à grands coups de Photoshop. Cette nouvelle aura toutefois permis de relancer les rumeurs entourant la sortie d'une version à prix coupé du iPhone, alimentée depuis un an par les observateurs d'Apple de la toile. Elmer Dewitt, le journaliste de Fortune, qui a pris le pouls de ces rumeurs sur les forums de discussion où l'on avoue probable l'apparition d'une version nano du iPhone sur le marché, écrit que, bien qu'un appareil vendu, disons, 100$ ouvrirait le marché à un grand nombre de nouveaux consommateurs, Apple n'a aucune raison d'en vendre du moment que les gens sont prêts à faire la file pour acheter un modèle à 200$. Certains des premiers enregistrements en stéréophonie viennent d'être restaurés par un ingénieur du son pour permettre au public de les entendre correctement pour la première fois selon la BBC. Grâce à différents logiciels informatiques, Roger Beardsley a nettoyé les enregistrements stéréophoniques réalisés au début des années 1930 par l'ingénieur britannique Alan Bloomlein. Les enregistrements servaient à démontrer à l'employeur de Bloomlein, la maison de disques britannique EMI, tout le potentiel de la stéréophonie pour créer un effet de spatialisation du son. Cette vidéo montre d'ailleurs l'ingénieur et certains collègues se promener de gauche à droite dans une salle pour montrer que le son pouvait suivre l'image. Bloomlein avait eu l'idée de cette invention lorsqu'il avait vu un film au cinéma avec sa femme. Il avait remarqué que la voix des acteurs émanait toujours du centre de la salle, alors que les comédiens étaient situés dans la portion gauche ou droite de l'écran. En janvier 1934, Bloomlein avait apporté son équipement au nouveau studio Abbey Road pour y enregistrer en stéréo l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé à l'époque par Sir Thomas Beecham. Bien qu'impressionné par le résultat obtenu par Bloomlein, les dirigeants d'EMI trouvaient que la stéréophonie n'avait aucun potentiel commercial à court terme et ont refusé de financer le développement de cette technologie. Bloomlein a ensuite travaillé, comme bien d'autres inventeurs de son époque, sur la télévision, avant d'être embauché lors de la Deuxième Guerre mondiale par l'armée britannique. L'ingénieur est décédé en 1942 quand son avion s'est écrasé alors qu'il testait un prototype du radar. Il était âgé de 38 ans. Durant l'ensemble de sa carrière professionnelle, Alan Bloomlein a obtenu 128 brevets d'invention, dont soit un brevet aux 6 semaines. Pardon. Oui, ça va très bien. Bell, qui exigera des frais pour les messages de texte entrant à compter du mois d'août, fait face à un recours collectif mené par un cabinet d'avocats québécois. C'est un client de Bell Mobilité, Éric Cormier, qui a fait appel au cabinet d'avocats montréalais Saint-Pierre Grenier pour mener un recours collectif contre le fournisseur de services téléphoniques canadiens. Un recours collectif engagé cette fois contre TELUS a été amorcé par le même cabinet d'avocats le 14 juillet dernier. Dans son argumentaire contre Bell, Éric Cormier affirme que Bell Mobilité a agi illégalement en modifiant unilatéralement les termes du contrat. Les consommateurs sont littéralement pris en otage par les changements de tarifs. Ils ont alors trois choix, soit accepter sans broncher les augmentations de tarifs, résilier leur contrat en payant de lourdes pénalités ou acheter un forfait non désiré, a déclaré l'avocat Bruno Grenier. Avant d'être effectif, le recours collectif devra d'abord obtenir l'autorisation d'un juge. La requête pour autorisation sera présentée à la Cour supérieure le 25 septembre 2008, comme le précise le site du cabinet Saint-Pierre-Grenier, sur lequel les clients de Bell Mobilité qui souhaitaient participer au recours collectif peuvent remplir un formulaire pour être tenus au courant des développements du dossier. Voilà. pardon. L'App Store de Montréal est ouvert en passant, si vous pouvez aller voir l'article sur lechance.com si ça vous intéresse. Et puis apparemment, alors que jusque-là, les principales études à ce sujet commandées bien souvent par les constructeurs de GPS autonomes montraient que les produits dédiés à la navigation GPS pour automobile étaient censés rassurer le conducteur et lui faire économiser à la fois sur sa consommation de carburant et sur son temps de trajet. Elles sont aujourd'hui remises en question. La compagnie d'assurance Direct Line a en effet mené une étude pour le magazine britannique Mirror, analysant le comportement des automobiles anglais, des automobilistes, j'imagine anglais, utilisateurs de solutions de navigation GPS. Il apparaît que ces produits technologiques seraient déjà responsables de près de 300 000 accidents ou comportements très dangereux, genre accidents évités de justesse, détournant l'attention des conducteurs ou les invitant à emprunter des voies à contresens. 1,5 million d'automobilistes auraient ainsi brusquement changé de voie ou occupé illégalement certains espaces de circulation en voulant suivre les instructions dictées par le GPS autonome. Plus encore, 5 millions de conducteurs de voitures auraient été invités à suivre une voie à sens unique dans le mauvais sens. Voilà qui fait le tour pour le bloc sciences et technologies. Tantôt, on va parler, entre autres, d'informatique. Donc, restez là pour ça. On va, par contre, continuer notre série « Heavy Trooper is ready to launch ». On était rendu, en fait, on va sauter un petit peu vers la fin du premier CD de « Heavy Trooper is ready to launch », qui est cet hommage à la musique de Super Mario RPG. On va écouter la 24e pièce. Voici « A New Partner » de Girls' Melon. Ah, ça, c'était juste un entre deux pièces. Donc, voici « Booster Tower ». De The One Ups. Tout de suite à la connexion. On parle de technologie, d'informatique et d'Internet au 89. We'll be right back. Autant on parle d'informatique et de cybercrime à la connexion au 89.1 FM. Deuxième heure de cette petite émission qu'on appelle La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Moi, c'est Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, bloc informatique, on se parle de cybercriminalité. Et on va essayer du mieux que je peux là, de parler un petit peu de quelques affaires qui sont passées sur Internet. Ce serait comme le fun de fitter ça là-dedans. Mais en musique... On était rendu à la prochaine partie de notre grande, grandiose même, oserais-je dire, série qui s'appelle Avi Chupa is Ready to Launch. Et ça, ben, pour ceux qui n'ont pas encore compris, là, c'est une collection musicale qui rend hommage à la musique de Super Mario RPG sur Super Nintendo. On écoute ça et on vient pour en parler. They work for frog coins, don't go to the bathroom, and it's fun seeing if I can throw a Skittle in the face. Oh yeah, with 17 floors on the ceiling. If you're committed to time, then it's the right thing to do. Nobody questions a madman in his own commode. I've got illusions of grandeur, and I'm seeing it through. Just keep your shoes on your feet, put your feet on the table. The trick is finding the table. The Winchester man just got nothing on this place. We've got a Wendy's, breaking ball and cable. They can find the top, that's what I tell them. They all think I'm insane in the cerebellum. Well, how many people have made it to the top? Shit, if you can find it, tell me when you find it. People who die were just for housewives, smoke crack. The Mayan towers let the people point the finger at. If you can find a tower taller than the Himalayas, let me know. If you can find it, tell me when you find it. There's an old wise tale people seem to go by. People love this story, I don't know why. But it goes, apparently I needed a wife. I guess I was only grabbed the first one I saw. Not my type, this one's just bony. But I didn't care, I took her and bolted. At that point, my friends revolted. A group of Geraldo, a turtle, Stay Puft and Pinocchio went through my tower like a shower to a Tokyo. These idiots kicked the crap out of my receptionist. Decided to steal my change, I'm for the hell of it. To get to the top and kick my ass. But do you think that I'd really allow that? No, what really happened is the chump made it home to the third floor. No bark, no bite, no war. They made it into a game about some giant sword taking over the block. Blah, blah, blah, yeah, whatever, it's misleading. You can find the top, that's what I tell. Yeah, I'll think I'm insane in the cerebellum. Well, how many people have made it to the top? Shit, maybe you can find it. Tell me when you find it. People who die were just for housewives, smoke crack. The Mayan towers let the people point the finger at. If you can find a tower taller than the Himalayas, let me know. You can find it. Tell me when you find it. You can make it to the top. You can make it to the top. We'll rock this out. We'll rock this out. You can make it to the top. You can make it to the top. We'll scare the crowd. We'll scare the crowd. You can make it to the top. You can make it to the top. We'll mop the floor with them. Mop the floor with them. You can make it to the top. You can make it to the top. We'll go some more of them. We'll stand the chance. Come on. You can find the top. That's what I tell them. They all think I'm insane in the cerebellum. Smoke crack. The Mayan towers let the people point the finger at. If you can find a tower taller than the Himalayas, let me know. You can find it. Tell me when you find it. You can find the top. That's what I tell. Yeah, I'll think I'm insane in the cerebellum. Well, how many people have made it to the top? If you can find it, tell me when you find it. People who die were just for housewives. Smoke crack. The Mayan towers let the people point the finger at. If you can find a tower taller than the Himalayas, let me know. You can find it. Tell me when you find it. Oh. Hey, c'était différent ça, puis j'aime ça comme interprétation. C'est une pièce de Mario RPG reprise avec des paroles originales. J'aime vraiment ça. Donc, ça vient de la collection Heavy Chupa is Ready to Launch. On va continuer cette série-là pendant les prochaines semaines. Il nous en reste encore quand même pas mal. On a un deuxième CD et je trouve que c'est assez bon pour qu'on joue le deuxième CD pas mal au complet. Donc, c'est une compilation qui rend hommage et célèbre la musique du merveilleux jeu Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Donc, c'est en trois disques que vous pouvez aller télécharger sur lunechance.com, passer par le lien qui est vers le bas de la page Heavy Chupa is Ready to Launch. Et c'est génial, il y a même la pochette que vous pouvez faire imprimer. Puis gardez ça pour vous, l'offrir en cadeau. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais je trouve ça vraiment cool. Voilà. Parlant de quelque chose de cool, il y a un nouveau site qui s'appelle Cool sur Internet. C'est par des gens qui travaillent chez Google. Donc c'est trois anciens ingénieurs de Google et un ancien cadre d'IBM qui ont mis sur pied un nouveau moteur de recherche qui a l'ambition de concurrencer le spécialiste de la recherche en ligne Google. Cool, qui s'écrit C-U-I-L. Donc bravo à Google pour... pas à Google, mais aux gens qui inventent des produits avec des noms comme ça. Comme on va parler tantôt de Null. Google qui lance Null. C'est pas très crédible, tu sais. Wikipédia, ça va... En tout cas, on en parlera tantôt. Donc, Cool a été lancé dimanche dernier. L'outil affirme indexer 120 milliards de pages Anna Patterson fait partie des concepteurs de ce moteur de recherche et croit que l'index de Google contient jusqu'à 3 fois plus de pages que celui de Google. En 2004, Google avait acheté un moteur de recherche conçu par Madame Patterson afin d'améliorer son propre système. La conceptrice de Google estime que son plus récent outil de recherche est encore plus puissant, mais soutient qu'il n'est pas à vendre. Je sais pas. Cool.com, c'est UIL. Les internautes peuvent aller voir là-dessus. C'est pas le premier moteur de recherche à promettre une vive concurrence à Google. Pardon, j'ai complètement raté mon nom. À Google, il y a Teoma, Vivissimo, Snap, Malo et Powerset qui font partie des acteurs qui ont tenté de percer le marché de la recherche en ligne. Donc, toujours dans le domaine de Google et de la recherche un peu, Google lançait la semaine dernière NOL, une encyclopédie collaborative en ligne à la Wikipédia. Contrairement aux contributeurs de Wikipédia, les auteurs de NOL, K-N-O-L, que tous les gens au Québec vont prononcer KNOL, un peu comme QUIL, QUIL pour l'autre, puis KNOL, ça marchera pas. Sérieusement, trouvez des noms qui sont prononçables dans d'autres langues que juste l'anglais, s'il vous plaît. Donc, contrairement aux contributeurs de Wikipédia, les auteurs de NOL, de courts articles sur un sujet précis, seront rémunérés selon la popularité de leurs articles. Ils vont aussi participer au programme AdSense. Tout porte à croire que la rémunération forcera les auteurs à créer du contenu original et de qualité. De notre point de vue, cette rémunération basée sur la popularité risque de créer un engouement chez les auteurs pour les sujets de l'heure, alors que les sujets moins populaires risquent d'être délaissés. Si vous voulez aller voir Nul, allez voir knol.google.com. Donc, ça fait. C'est une unité de connaissance. Knol, K-N-O-L, mais ça se prononce knol.google.com. Bien, mais est-ce vraiment nécessaire? Je sais pas. C'est vraiment plus sur des sujets spécifiques. Par exemple, bon, sur la page d'accueil, je vois jusqu'à maintenant introduction à la généalogie, symptômes de maladie du cœur, des trucs comme ça. Donc, c'est intéressant. C'est bien. Sur le besoin de ça, je sais pas, mais c'est bien. Je trouve ça cool. Un autre service que Google teste en ce moment, c'est un service de traduction impliquant de véritables traducteurs et non pas un service automatisé. Donc, Google met à l'essai un système de traduction en ligne qui s'appelle Google Translation Center, qui, contrairement à son outil linguistique actuel, impliquera des traducteurs volontaires en chair et en os. C'est du moins ce qui ressort de la présentation du service qui est en phase bêta. D'une part, le centre offre à ses utilisateurs la possibilité de soumettre un texte à traduire dans plus de 40 langues avec date de remise voulue et choix de traducteur. D'autre part, le centre lance un appel aux traducteurs vous souhaitant participer au nouveau service en décrivant capture d'écran à l'appui, l'interface des traducteurs qui offre les applications visant à faciliter leur travail volontaire car nulle part encore été question de rétribution des participants. Nouvelle qui est quand même assez vieille, mais vous avez peut-être pas encore entendu parler de ça. Google n'a pas acheté Digg finalement. Ils ont fait savoir qu'ils n'achèteraient pas le site de nouvelles sociales. L'offre aurait été abruptement retirée pendant l'étude des états financiers et technologiques de l'entreprise à acquérir. Une de deux sources proches de l'entreprise a révélé à TechCrunch que l'abandon était causé par un problème technique, alors que l'autre citait plutôt un problème personnel qui aurait émergé alors que Google rencontrait l'équipe dirigeante de Digg. L'offre de Google était d'approximativement 200 millions de dollars américains. Il ne s'agit pas du premier échec en matière d'acquisition pour Digg. D'ailleurs, plus le temps et les offres qui échouent passent, plus les offres subséquentes risquent de se faire rares. Allez voir digg.com, digg.com, c'est un de mes sites préférés. Savez-vous ce que sont les 6 degrés de séparation, demande un article de Cubic.com. Eh bien, il s'agit d'une théorie populaire selon laquelle chacun d'entre vous peuvent être liés à n'importe quelle autre personne sur Terre via 6 personnes intermédiaires. Ça a probablement commencé avec les 6 degrés de Kevin Bacon, mais ici, on l'applique à tout le monde. Cette unité de mesure sociale a été reprise dans une pièce de John Garr en 1990, puis adaptée à l'écran en 1993 dans un film de Fred Schepisi qui s'appelle Six Degrees. Il y a aussi eu une émission de télé qui s'appelait Six Degrees, qui parlait pas mal de la même chose. La théorie des six degrés vient à nouveau d'être confirmée, cette fois à grande échelle. En effet, depuis juin 2006, Eric Horvitz et Jure Leskovec, deux chercheurs de chez Microsoft, ont analysé près de 1 milliard de conversations électroniques sur un panel de 180 millions d'utilisateurs de Live Messenger, soit près de la moitié du trafic global des messageries instantanées. L'étude révèle qu'il faut en moyenne créer des liens entre 6,6 contacts avant de pouvoir parler à une personne particulière qui ne figure pas sur sa liste de contacts. Dans 78% des cas, 7 contacts intermédiaires sont nécessaires. Le disque compact comme support musical est sur son déclin, dit le Journal de Montréal. Pour leur donner raison, depuis quelques jours, il est possible d'acheter en magasin une pochette d'album qui ne contient pas de disque, un code d'accès seulement. L'initiative québécoise provient du producteur Louis-Armand Bombardier des productions Labbé. Selon une étude de la firme PricewaterhouseCoopers dévoilée fin juin, la valeur des ventes de musique en ligne dépassera celle des ventes de CD en 2011. Donc, avec 100 CD, ça s'appelle 100 CD, l'acheteur, au moyen du code d'accès qu'il trouve à l'intérieur de la pochette qu'il s'est procuré, n'a qu'à se rendre au site sans-cd.com pour télécharger les chansons de l'album sans frais additionnels en format MP3 et sans restriction. C'est le premier album du groupe de Blue Seeds qui a déjà passé par les palmarès de Sifu, qu'on a entendu aussi au Festival de Jazz, qui sert de prototype. Donc, vraiment un concept très intéressant. Quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool cette semaine, c'est George Orwell qui s'est mis à bloguer. Et là, malgré le fait que l'écrivain britannique soit mort en 1950 des suites d'une tuberculose, ça ne l'empêchera pas d'avoir un blog. Donc, le célèbre auteur de 1984, que vous connaissez peut-être pour la théorie de Big Brother et de la ferme des animaux ou Animal Farm, George Orwell possède désormais son blog. Le projet et l'initiative de l'organisation derrière l'attribution de l'Orwell Prize souligne le 70e anniversaire de la création du journal de l'auteur britannique amorcé le 9 août 1938. Pour marquer l'événement, l'Orwell Prize a créé un blog WordPress qui reprendra les pages de ce journal à compter du 9 août prochain. Donc, les internautes pourront suivre le parcours de l'écrivain depuis sa convalescence le 9 août 38 au Maroc et son retour en Angleterre jusqu'à la fin de l'écriture de son journal en 42, alors que la guerre fait rage en Europe. Des opinions politiques sur la guerre aux observations de la vie quotidienne allant des plantes à l'ébénisterie, le blog d'Orwell permettra aux internautes de commenter chacune des pages du journal. Et va même aller jusqu'à alimenter les fils RSS des utilisateurs de la toile jusqu'en 2012. Assez génial comme concept. Donc, le blog de George Orwell est accessible en anglais à l'adresse orwelldiaries.wordpress.com. Le lien est sur lunchance.com. Je trouve ça absolument génial. Autre chose que je trouve génial, mais dans un autre domaine, et en même temps, je me dis, j'irai sûrement jamais là. Mais quand même, je trouve que le concept est bon. Donc, une partie des plus anciennes éditions de la Bible, le Codex Sinaiticus contenant le Nouveau Testament, est accessible en ligne à tous les internautes depuis la semaine dernière à l'adresse codex-sinaiticus.net ou passer par lunchance.com, c'est plus simple. Donc, cette première est le fruit des travaux entre la Bibliothèque universitaire de Leipzig et la British Library. L'œuvre aurait été rédigée il y a plus de 1600 ans en grec, ramenée d'Égypte par un savant allemand au 19e siècle, puis dispersée à travers le monde. Aujourd'hui, outre l'université allemande et la bibliothèque britannique, la Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg et le monastère Sainte-Catherine en Égypte conservent chacun une partie du précieux document chrétien. À l'heure actuelle, environ un quart des pages manuscrites sont accessibles en ligne, avec des traductions parfois partielles en grec moderne, en anglais et en allemand, mais le site semble victime de son succès. Pour les deux universités, l'objectif est de proposer d'ici l'été 2009 l'ensemble du Codex Sinaiticus sur Internet. J'imagine que victime de son succès, ça doit vouloir dire que le site est pas super stable en ce moment, mais quand même, allez voir le unechance.com pour aller voir l'article qui s'appelle « La plus ancienne Bible au monde, accessible en ligne ». Voilà qui fait le tour pour le bloc F5 informatique, les nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs. Maintenant, voici le top 5 des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En cinquième, on retrouve Hotmail. En quatrième, c'est Canada MapQuest. En troisième, c'est Stable avec Accéder. Les deux autres montées en passant. En deuxième, ça descend, les packs. Et en première place, ça monte encore une fois, c'est Météo Média. Et nous, on continue notre série en concert avec la dernière pièce du premier CD. C'est la formation Spamtron. Voici Waffle Iron Violator. À la connexion, on parle de tout ce qui est cool sur le Ternet au 89.9. We'll be right back. Volume 1 avec We Tried de la compilation I Meet You Pies Ready to Launch. Ça, c'était la première pièce du deuxième CD. On continuera la semaine prochaine avec le deuxième CD au complet. Maintenant, Cybercrime! Des nouvelles qui ont rapport avec tout ce qui est croche, tout ce qui est illégal dans le monde des technologies. On commence avec la FCC qui serait sur le point de déclarer Comcast coupable de filtrage et de bridage des échanges sur BitTorrent. En effet, 3 des 5 commissaires de l'agence gouvernementale des États-Unis ont annoncé qu'ils estimaient que le fournisseur d'accès violait les lois fédérales en empêchant délibérément ses clients d'utiliser ce protocole d'échange de fichiers peer-to-peer pour du partage de vidéos, entre autres. Même, j'adore quand ça arrive, mais je crois avoir lu que c'est arrivé en fin du compte. Mais je suis pas sûr. Donc, c'était vraiment qu'ils avaient été trouvés coupables. Oui, c'est ça, je l'ai lu. Ça. Bon. Ce jugement mettra un terme à l'enquête menée par la FCC dès novembre 2007 suite à plusieurs plaintes déposées par des associations de consommateurs. Interrogé au même moment par l'Associated Press et l'EFF, Comcast déclaré par le biais de Sénat Fitzmaurice, porte-parole du fournisseur d'accès, qui ne bloquait pas l'accès à des sites Internet ou à des applications en ligne comme les services de peer-to-peer. Kevin Martin, président de la FCC, a déclaré qu'il était important que tous les clients puissent accéder sans entrave à Internet. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour Bell plus tard? Bell qui, vous ne savez peut-être pas, mais stop, ou même, en tout cas, au moins ralentisse votre vitesse d'Internet si vous allez sur des partages de fichiers, par exemple BitTorrent. Les utilisateurs du courriel Facebook pourraient retrouver un pourriel dans leur boîte de messagerie à l'intérieur duquel se cache un lien menant vers l'exécution d'un logiciel malveillant. Le FBI, de concert avec l'IC3, l'Internet Crime Complaint Center, a diffusé un communiqué de presse mettant en garde les utilisateurs du réseau social Facebook contre la menace d'infection que présente un pourriel distribué dans la boîte de courriel Facebook. Le message s'appelle FBI vs. Facebook et donne accès à un présumé article FBI bypasses Facebook to nail you, qui est en fait l'exécutable d'un logiciel malveillant transformant l'ordinateur de l'utilisateur en machine zombie si ce dernier clique sur le lien menant à l'article. Le FBI identifie le logiciel malveillant comme étant du type Stormworm, le même ver informatique qui sévit depuis janvier 2007 sous le couvert de différents pourriels. Ensuite, nouvelle de Scrabble. L'application Scrabble sur le réseau social Facebook aurait été attaquée par des pirates informatiques. Selon le producteur du jeu Electronic Arts, la supposée attaque serait survenue moins d'une journée après qu'une application concurrente Scrabulous ait été attaquée en justice par Hasbro, la compagnie détentrice des droits de Scrabble en Amérique du Nord. D'ailleurs, Facebook, qui a en fait la compagnie, a ramené un jeu qui s'appelle Word Scraper, qui ressemble pas mal à Scrabble. Mais bon, donc Scrabble qui a été piraté sûrement par les fans de l'ancienne version Scrabble, qui était assez populaire sur Facebook. Policier new-yorkais a récemment été rétrogradé après qu'une vidéo publiée sur YouTube l'ait dénoncé. Critical Mass est une randonnée de vélo organisée mensuellement dont l'objectif est de célébrer et de promouvoir les droits des cyclistes. Alors que la randonnée se déroulait à New York, un policier zélé a arrêté Christopher Long, un cycliste, pour avoir bloqué le trafic, pour avoir semé le désordre pour voie de fait et finalement pour avoir résisté à son arrestation. Le hic, c'est que pour l'interpeller, Patrick Pogan, le policier âgé de 22 ans, a violemment plaqué le cycliste contre la chaîne de trottoir. Un touriste qui filmait la randonnée avec son appareil photo a tout capté pour ensuite diffuser la vidéo sur YouTube. La vidéo qui est d'ailleurs dans l'article sur lunechance.com. Une enquête est en cours d'ici à ce qu'elle soit terminée. Pogan est affecté à des tâches de bureau. Ensuite, nouvelle, je sais pas lesquelles faire honnêtement. Il y en a une qui est assez intéressante quand même. C'est celle sur le pirate de San Francisco. On en parlait à la connexion il y a deux semaines environ. Donc, le maire de San Francisco, Gavin Newsom, a rencontré plutôt la semaine dernière, Terry Charles, l'ingénieur ex-responsable des TI, donc technologie de l'information, emprisonné depuis quelques jours déjà pour avoir piraté le réseau de la ville dont il était le concepteur. Charles a remis les mots de passe à celui qu'il considère comme le seul qui soit digne de confiance. Son avocate a expliqué à tous ceux qui avaient précédemment demandé le mot de passe, personne ne possédait les qualifications requises pour les utiliser à bon escient. Le pirate a insisté pour que le mot de passe soit révélé aux spécialistes de Cisco et non aux employés de la ville. Bien qu'il condamne ses gestes, les collègues de Charles le supportent. Selon le San Francisco Chronicle, l'avocat de Charles aurait demandé une diminution de la caution, présentement fixée à 5 millions de dollars américains. L'accès au réseau de la ville a été rétabli mardi le 22 juillet. Et puis une nouvelle assez déprimante pour bien d'entre vous qui voyagez. Les douaniers américains ont le droit de fouiller les gens qui entrent aux États-Unis et de saisir leur équipement électronique, qu'ils soient citoyens américains ou étrangers. Le Washington Post explique en long et en large les mesures qui ont été prises récemment par le ministère de la Sécurité intérieure. Les nouveaux règlements vont très loin et accordent des pouvoirs très larges aux organismes impliqués dans la sécurité. Allez voir l'article sur lunechance.com si ça vous intéresse. Voilà pour le bloc Cybercrime. Voici maintenant le top 5 des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En 5e, on trouve Metal Gear Solid 4 sur la PS3. En 4e, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. En 3e, c'est Final Fantasy 4 sur la DS. En 2e, Soul Calibur 4 sur la PS3. Et en 1ère, on retrouve Soul Calibur 4 sur la 360. Ah ben, c'est pas mal le tour pour le bloc Cybercrime. On va l'entendre, la petite musique. Ça vous intéresse, la petite musique? Après ça, on va aller en pause. Et puis, pour la dernière demi-heure, je vous promets de parler de choses intéressantes. Donc, voici de leur album Get Awkward, Be Your Own Pet et Super Soaked. L'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, CNX. Allez voir le www.unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui. www.unechance.com. On est en direct le mardi, on rappelle le jeudi et le lundi suivant. Dans quelques minutes, on va faire un tour du net. On va regarder ce qui s'est passé sur Internet cette semaine. Il y en a vraiment beaucoup de choses vraiment géniales. Des choses qui me donnent des petits poils en l'air sur mes bras. Des petits poils en l'air. Des poils. Plateau, beach, bitch. À 10 minutes en PC, c'est de la run de crack. Les dealers pis les restos livrent même dans le pack. Au plateau, beach, foiré dans le gazon, nous jasons. Voyons des grisons. Après la petite de Heine, la grosse 50. Un petit parc à 6 passe le 6 pack compte. Un 12 pack à genoux passe la broue me remonte. Une 24 à 4 pattes, les mots me manquent. À 30 secondes, bandette, t'as plan de la run de crack. C'est même rendu que je pogne pour livrer dans le pack. Au plateau, beach, à défaut de pas avoir de club, de danseuses en affaires. Ben d'où y'a plein de pubs, de chanceuses en brassière. Ici la vie c'est sketch, les gens ça se la jouent bourgeois pour M. Sur mon royal, la petite routine mondaine. Le love sur le parc, la fontaine, tout le monde s'aime. C'est comme du bonheur en vrac. Les autres s'enquêtent des trentaines en espérant la meilleure arnaque. Puis s'ils sont pas capables, ben simplement sèment la terreur dans le pack. Et malheureusement pour les stops et Superman will never be back. Plateau beach, une game de pouce sur Jumelji à affaire du McDo Papino, distrayant nightlife. Y'a des bonnes fight life sur Saint-Denis, pas loin du resto rapido. Ha, définitivement, le plateau c'est un quartier vivant, c'est évident. Surtout quand tu vis dans. C'est plein de chicks à cocaïne, c'est funky. Plein d'artistes avec une mine de junkie. Yo, pis en plus, pour vous mesdames, y'a arnaque dans son caddie avec un 15 pouces qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum. À 10 minutes en piste, c'est que la run de crack. Les boules pis les restos livrent même dans le pack. Au plateau de beach, foiré dans le gazon, nous jasons. Voyons des grisons, voyons des grisons. Après la petite de Heine, la grosse 50. Un petit parc à 6 passe le 6 pack rentre. Un 12 pack à 10 passe la boue me remonte. Une 24 à 4 pattes, les mots me manquent. À 7 minutes en big wheel, la run de crack. Toutes les bouteilles de pâle se finissent dans le pack. Plateau de beach, d'où y'a au moins une pute. Une menteuse sans manière. Pour l'avoir vue en route, c'est une travailleuse fière. Plus beau quartier d'Amérique, vous voulez sûrement parler de la rue Frontenac. Paysage pittoresque, péripatéticienne de 18 ans avec son Mac. Les deux pigeons dans un fond de sac, gisant dans un Pontiac. Les yeux luisant comme un cognac. Si tu tripais sans tes natures, t'étais mieux aux Adirondacks. Plateau Beach, la place de laquelle les cats de banlieue sont jaloux. Les mêmes qui talk trash nous viennent de partout. Pour sortir du diable vert à quatre pattes, s'en aller chez eux en CV4 back. Plateau Beach, Plateau Beach, Rosemont. Plateau adjacent, centre sud, des plateaux adjacents. Hochelaga là-bas, plateau adjacent. Park X, plateau adjacent. DDO, plateau adjacent. MDG, adjacent. RDP, plateau adjacent. Point O, plateau adjacent. Verdun, le plateau adjacent. Saint-Henri, plateau adjacent. De Saint-Basile-le-Grand. Le quartier que tout le monde se plaît à détester, ça c'est vrai. Plus éclectique que jamais, de Clark appartenait. Le quartier que tout le monde se plaît à visiter en secret. Une fellation s'il vous plaît, de Clark appartenait. Space Play avec Plateau Beach à la collection au 89 FM autour du net. Il s'est passé tellement de choses autour du net cette semaine qu'il faut en parler des fois. On commence avec un article que j'ai trouvé sur removethelabels.com. C'est dans le fond, quelqu'un qui a acheté un iPhone, ok, l'a ramené à la maison, a ouvert l'iPhone, s'est rendu compte que dedans, il y avait des photos déjà prises. Donc, c'est des photos de l'intérieur d'une usine de iPhone. Ça n'a pas été vu très, très souvent, ça. Deux qui sont très, très floues, mais il y en a une, entre autres, qui est vraiment belle. Allez voir sur lunechance.com, le lien est là. Beaucoup, beaucoup d'iPhone. Il y a des gens qui aimeraient s'en avoir autant que ça. Donc, je trouve ça vraiment cool. Il y a des photos en grand format aussi, si vous voulez les télécharger. Ensuite, Artifacts from the Future, c'est dans le magazine Wired, un magazine que j'aime beaucoup, très intéressant, Wired.com, leurs articles sont toujours très intéressants. Il y en avait parlé dans le numéro du mois de juillet qui allait probablement arrêter la chronique Artifacts from the Future, qui est dans le fond une page complète d'un faux produit du futur. Hein? Donc, quelle meilleure façon de rendre hommage à la fin de cette épopée qui est Artifacts from the Future que de voir une archive complète de tout ce qui est sur le site Wired.com de Found. Ça s'appelle Found, la chronique en tant que telle. Donc, des produits de 2047, etc., que vous pouvez aller voir sur l'article unechance.com. Ça vient de Metafilter et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de regarder chacune de ces photos-là, une après l'autre. C'est vraiment cool. Ensuite, The Idiot Test. Dans le fond, c'est un test pour voir si vous êtes con et pète. Donc, vous devez suivre les instructions. Par exemple, bon, cliquez sur le carré bleu, cliquez sur le gros bouton rouge, cliquez sur le rectangle parmi des carrés, faites des séquences comme ça. Aussitôt que vous ratez une étape, vous retournez au début. C'est quand même... Là, ça vous dit même, appuyez sur le gros bouton pour revenir au début si vous êtes capable de le faire. J'ai réussi à me rendre assez loin, mais j'ai réussi toujours à faire une erreur à un moment donné dans quelque chose de vraiment... qu'il faut penser un petit peu plus. Puis là, ben, je rate, puis je recommence encore et encore. Puis à un moment donné, je finis par abandonner. Donc, voilà. Le site Toxel.com nous offre une collection de publicités de Pepsi vraiment cool. Je m'étais jamais rendu compte que Pepsi avait fait autant de publicités cool. Là. Par exemple, une canette dans une bouteille de vitre ou encore un verre avec deux pailles. Ça fait comme une piscine ou encore une paille qui est tordue pour réussir à à pogner la dernière goutte de Pepsi dans la paille. Donc, c'est vraiment, vraiment beau. Il y a aussi celle de Coca-Cola, parce que Coca-Cola et Pepsi, il faut qu'ils se fassent de la compétition un peu, là. Donc, allez voir ça, c'est sur le site unechance.com. Coke sont presque aussi bonnes que Pepsi, mais je pense que je vais devoir passer sur mon vote pour Pepsi. Pourquoi les boîtes de jeux vidéo japonaises sont toujours plus intéressantes, plus belles à voir que celles des États-Unis? Le Japon est un petit peu plus ouvert. Donc, le site GamesRadar.com qui nous offre un article qui discute de ça et vous montre des exemples. Donc, une après l'autre, Japon, États-Unis. Par exemple, le jeu Mr. Mosquito, au Japon, c'est un pied avec un insecte dessus. Aux États-Unis, c'est juste un petit dessin animé de l'abeille, donc c'est poche un petit peu. Donc, on compare des jeux comme Kirby Squeeze Squad, Ratchet & Clank, Up Your Arsenal, Pikmin 2, un paquet de choses comme ça. Donc, c'est sur lunechance.com, le lien est facile à trouver là-dessus. Des photos d'éclipses solaires d'un petit peu partout dans le monde. Hein, pourquoi pas aller voir ça, c'est selon le site huffingtonpost.com. De très jolies photos. Parlons un petit peu rapidement là, de quelques nouvelles du futur qui m'ont intéressé, que j'ai trouvé sur Internet comme ça. Des chercheurs impliqués dans un programme de rééducation de l'équilibre pour des astronautes ayant passé plusieurs mois en apesanteur affirment pouvoir utiliser les mêmes méthodes pour aider les personnes âgées à éviter des chutes graves à l'aide d'une semelle sensorielle qui enregistre les signes d'un manque de stabilité. Cette semelle s'appelle le Aishu. Elle contient 6 capteurs qui enregistrent la pression du pied et peuvent ainsi dresser un bilan de l'équilibre de l'utilisateur. L'objectif est de rassembler des données qui puissent servir aux médecins et, le cas échéant, de détecter des problèmes d'équilibre avant une chute potentiellement dangereuse. C'est vrai. Microsoft poursuit les recherches du côté des interfaces homme-machine et après avoir présenté Surface et TouchWall, on en a déjà parlé ici à la collection, il dévoile une sphère tactile. Ce prototype utilise un système de projection interne combiné à une caméra qui permet à ses utilisateurs de manipuler photos, jeux ou encore globes virtuels avec plusieurs doigts et avec les mains. Allez voir la vidéo, c'est intriguant pas mal. Et tant pis pour les romanciers que les célibataires de ce monde ne sont désormais qu'à un prélèvement buccal de trouver l'âme sœur grâce à Gene Partner. L'équipe du site basée en Suisse et dirigée par Dr. Tamara Brown a étudié l'ADN de centaines de couples amoureux pour ensuite établir une corrélation entre certaines combinaisons de gènes. Les nouveaux inscrits au coût de 199 $ américains recevront à la maison un ensemble qui leur permettra de faire les prélèvements oraux sans assistance. Ils n'auront ensuite qu'à transmettre leur échantillon à Gene Partner qui leur enverra dans un délai de 3 semaines un code d'identification. Lorsqu'ils rencontreront quelqu'un en ligne dans les petites annonces au resto ou au marché, ils n'auront qu'à lui demander son code pour ensuite aller vérifier la compatibilité sur le site de Gene Partner. Puisqu'on n'est pas toujours chanceux, Gene Partner précise qu'un nombre illimité de vérifications de compatibilité peuvent être faites. Assez intéressant. Et on va terminer cette première partie du bloc autour du net avec Deerhoof Orphaned Maggie. Donc, c'est Freshborn qui est le premier simple de la formation Deerhoof de leur futur album Orphaned Maggie. Donc, à la place d'offrir leurs pièces en téléchargement, ils offrent la musique sur une feuille. Donc, vous pouvez vous-même faire votre propre version de la pièce de leur pièce Freshborn. Donc, vous pouvez ensuite poster votre lien sur leur site qui est deerhoof.cachemusic.org. Allez voir ça. Entrez votre nom, votre courriel, votre adresse où vous avez posté votre fichier. Et j'ai aussi posté sur lunechance.com non seulement ce lien-là, mais le site Offend Maggie Fars sur soupgreens.com qui est dans le fond qui offre des midis, des feuilles de chaque partie individuelle, fichiers MP3, etc. Donc pour vous aider. Et puis c'est en Creative Commons, donc vous pouvez partager ça avec d'autres si vous mentionnez l'adresse d'origine. Donc c'est vraiment cool. Et tant qu'à parler de Freshborn, de Deerhoof, on va aller écouter une version qui était faite par Nick Ennies. La voici tout de suite à la collection au 89 FM. version de Nick Hayes. La pièce Freshborn de The Hoof. À la collection. Oui, donc remix avec une feuille avec des accords dessus. Là. Interprétation libre. C'est bien, hein? C'est bien pour l'interprétation libre. J'aime ça. Le lien est sur lunechance.com si vous voulez participer, si vous voulez faire votre propre mix. Toujours dans le bloc autour du net, on regarde ce qui s'est passé sur Internet cette semaine, tout ce qui est cool, tout ce qui va vous faire dire « Wow, c'est dans bien cool, ça! » Worth1000.com, un petit concours, là, comme ils font tout le temps, c'est un petit peu leur principe du Photoshop, comme ça, de prendre une photo ou n'importe quelle photo, et puis la modifier, faire quelque chose sous un thème précis. Vous avez certainement entendu parler du Montauk Monster, qui était découvert, l'espèce de bête qui ressemble à un cochon, un chien, ou je sais pas trop quel genre d'animal. Donc, worth1000.com, on s'est tiré profit de ça en faisant un concours pour les bêtes, les animaux les plus bizarres avec soit trois têtes ou des six pattes ou des mains à la place des pattes, des choses comme ça. Un éléphant avec deux oreilles de chaque côté, un poisson avec deux yeux dans le milieu. C'est drôle à voir, il y a 76 personnes qui ont participé au concours jusqu'à maintenant. Donc, ça s'appelle Mutation 3 When Nature Messes Up. Un artiste a utilisé des voitures téléguidées pour peindre une voiture. Hein, quand même bien. C'est l'artiste anglais Ian Cook qui a eu une méthode unique pour produire ses chefs-d'œuvre artistiques. Il a pris des voitures téléguidées de différentes grandeurs, les a plongées dans de la peinture acrylique et les a contrôlées pour créer une peinture. Et là, c'est vraiment contrôlé précisément. C'est pas comme n'importe quoi, là, comme la peinture où c'est un éléphant qui avait peinturé un éléphant. C'est pas le même genre de chose du tout. Donc, ça s'appelle Pop Bang Color et c'est super beau. Donc, allez voir ça. C'est affiché, premièrement sur Internet, mais aussi au British International Motor Show. Cook qui a fait une démonstration en direct le 3 août. Il a peint une Chevrolet Lacetti World Touring Car. Donc, allez voir l'article sur le switch.com, mais le lien est sur lunechance.com. C'est plus facile pour tout le monde. Vous connaissez peut-être Twitter, qui est un site de réseau social avec une règle très stricte. Vous pouvez poster 140 caractères à la fois et c'est pour tenir vos amis au courant de ce que vous faites. À la place de faire un statut sur MSN, vous pouvez utiliser Twitter et les gens vous suivent et apprennent en temps réel ce que vous faites quand vous postez sur votre cellulaire. Par exemple, vous tapez sur l'interface mobile de Twitter, vous tapez votre message et que les gens sont toujours mis au courant. Ça s'appelle des tweets. Donc, c'est pas le sujet de ce que je veux dire en ce moment même, mais bon. C'est que le roman Moby Dick va être envoyé sur twitter.com/ public domain. Donc Moby Dick qui a environ 200 000 mots. Chaque tweet a droit à 140 caractères. Comme je disais, ça fait environ 20 mots. Ce qui veut dire que ça va prendre environ 10 000 tweets pour connaître la fin de Moby Dick sur Twitter. L'idée est quand même cool. On va aller écouter ça sur l'internet parce que des fois il y a des liens qui ont besoin d'audio comme ça. C'est une illusion auditive qui apparemment est vraiment étonnante. Donc ça s'appelle un Shepherd Scale. Vous écoutez la vidéo et puis ensuite vous la rejouez. Donc on va faire play ici. On va arrêter le fond et puis vous allez devoir écouter et on va le faire jouer plusieurs fois. Et là, ça repart, attention. Donc, quand on la réécoute, on a l'impression que le son monte encore et encore et encore et encore et encore et que ça n'arrête plus jamais. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'arrête plus! C'est une illusion auditive. C'est créé par Roger Shepherd, qui est une superposition de sine waves séparées par des octaves. C'est très, très technique. Je comprends rien à ça, mais belle illusion auditive. Allez voir lunechance.com. Le musée en ligne des grippins, musée international. Oui, The International Central Services Online Toaster Museum, qui est, dans le fond, qui montre des grille-pains à travers le temps. Hein? Quelle perfection technologique est un grille-pain. Allez voir ça. Moi, en tout cas, je trouve ça particulièrement drôle de regarder des designs de toaster. C'est le toastermuseum.com, donc allez voir la collection là-dessus. Ensuite, l'alphabet fait avec des corps morts dans le jeu Halo. Ça s'appelle le Halo Core Alphabet. Hein? C'est simplement ça, les lettres une après l'autre. C'est plutôt macabre, mais bon, allez voir. Unechance.com. Un logiciel qui, ça s'appelle le Face Swapper Software. c'est ça. Ça a été créé par Dimitri Bitouk et Niraj Kumar de l'Université Columbia. Ça essaie de désidentifier les gens dans des photos pour protéger leur vie privée. Donc, dans le fond, c'est que vous donnez une photo originale. Non, c'est pas ça. Attends. Bon, je vais lire la citation exactement. Okay? Ça trouve la figure dans une photographie, échange la face pour une autre figure qui est dans une bibliothèque de faces. Ce qui est donc ce qui permet de désidentifier les figures qui apparaissent, par exemple, dans des endroits publics, par exemple sur Google Street View. Donc, à la place de simplement mettre un flou sur la figure, le logiciel peut substituer des figures pour, des, pour disons, je sais pas, toute la même personne, peut-être, je sais pas. Peut-être Rick Astley, tant qu'à faire du... en tout cas, voilà pour ça, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, c'est sur le site flowingdata.com qui est, dans le fond... Une façon de voir comment Walmart s'est propagé à travers les États-Unis. Donc, c'est une carte avec l'année dans le coin. Vous pouvez même zoomer dessus ou dézoomer. Et ça vous montre comment Walmart a commencé. Et là, avec genre une seconde par année, quelque chose du genre, ça commence à ajouter des Walmart partout où ça s'est propagé. Pour finalement, en 2007, se rendre compte qu'il y a des Walmart partout dans l'est des États-Unis. Mais pas beaucoup, pas tant que ça dans l'ouest, dans la partie gauche des États-Unis. Donc, allez voir, c'est sur le Flowing Data, le site de Flowing Data, mais c'est sur lunechance.com pour trouver le lien direct vers la page. Un autre bassin sur Flickr. Flickr, qui est un site pour héberger des photos. Un bassin, c'est des gens différents qui postent des photos avec, dans le fond, leurs photos dans un bassin en particulier. Celui-là, c'est Looks Like a Robot. Et c'est pas des photos de robots, mais c'est des 300 photos, en fait, d'objets qui ressemblent à des robots. Hein? Combien de plaisir vous allez avoir avec ça? Je dirais plusieurs styles de plaisir, même, je dirais plusieurs sortes. Donc, allez voir, c'est sur lunechance.com, comme toujours. Et finalement, dans autour du net, le site bungbung.net nous demande avez-vous déjà pensé à la première fois que vous avez utilisé Google? Hein? Et là, je suis sûr que vous vous dites c'est une bonne question, ça. Je me rappelle pas pantoute d'avoir utilisé Google pour la première fois. Mais pourtant, c'est arrivé. Essayez d'y réfléchir. Revenez-y. Pensez à vos souvenirs. Êtes-vous au secondaire? Êtes-vous au primaire, peut-être, pour certains d'entre vous? Donc, c'était comment? Hein? Rappelez-vous-en. Merci, Bong Bong, de nous ramener des souvenirs comme ça. Moi, même si j'y pense vraiment fort, je suis juste pas capable de trouver. Vraiment. Voilà, donc ça fait le tour pour le bloc autour du net. Il reste plein de choses que j'ai postées sur unechance.com, mais on va faire le tour de ça dans le bloc POW dans quelques secondes. Mais avant, voici une pièce des Fratellis. C'est My Friend John à la collection au 89.1 FM. Oh, The Fratellis avec My Friend John à la connexion, une émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89 FM. Maintenant, dans le POW, voici ce qu'on n'a pas eu le temps de faire aujourd'hui parce que vous savez, l'émission ne dure que deux heures. Donc, je vais y aller dans l'ordre dans ce que j'ai posté sur le site au www.unechance.com. Il y a entre autres quelques gadgets vraiment intéressants, entre autres un bidet portatif que vous pouvez amener d'une toilette à l'autre. Mm-hmm. Dans Ovid Vidéo, il y a plusieurs conneries qu'on pourrait dire, dont, en fait, le film 12 Angry Men a été posté sur YouTube au complet, donc ça c'est cool, allez voir. Il y a aussi des animaux qui chassent des lasers. Il y a un homme qui joue au casino et mise de la marijuana. Hein? Qu'est-ce qui lui arrive après ça, vous allez voir. Dans Utilitruc, plusieurs logiciels ou choses pour vous simplifier la vie, dont entre autres un site qui convertit du texte en MP3 et Eject USB qui force les programmes à laisser aller votre clé USB parce que souvent, quand on a une clé USB, on arrive puis on essaie de la retirer. Ça dit, il y a un fichier qui utilise ta clé. Bon, ouais, vous pouvez savoir maintenant c'est quoi et retirer votre clé en toute sécurité. Quelques jeux pour le bureau aussi, puis tout ça sur unechance.com, donc allez là-dessus pour télécharger la balado-diffusion et pour voir tous les liens d'émission d'aujourd'hui, www.unechance.com. La connexion est toujours diffusée les mardis à 11h, on rappelle, les jeudis à 11h et les lundis à 10h, on se retrouve là. Et moi, je retrouve aussi dans le poste d'écoute l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous et dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que Sifu a à vous offrir. Ça, c'est les vendredis matin et soir pour le poste d'écoute et les palmarès, c'est fou. D'ici à la prochaine fois qu'on se verra, je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire au revoir. Bonne semaine et bonne chance. Salut! Dash.com.